الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فهذا قرأنا باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. Donc nous entamons le chapitre numéro 46 du respect dû au nom d'Allah et le fait de changer de nom, le nom d'une personne pour cette raison. Vous corrigez, vous avez de changer de nom d'une personne, mettez de changer le nom d'une personne. Dans le titre, à la place de deux, pour le deuxième, vous remplacez par le. باب احترام أسماء الله. Le chapitre du respect que nous devons au nom d'Allah et le fait de changer le nom d'une personne pour cette raison, c'est-à-dire le respect qu'on doit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن تعظيمها من تعظيمه جل في علا. Car respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les immensifier font partie de son respect tabaraka wa ta'ala. Wa idha kana hadha min ta'zimillah fa min babi awla an la yusammi al-walad bismin la yanbaghi lah ibtida'an. Et si cela est à plus forte raison, on ne devra pas à la base même donner un nom à l'enfant qui ne convient pas, comme on le verra ici dans le chapitre. Donc si la personne a un nom qui montre un manque de respect envers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on étudiera dans ce chapitre qu'il faut le changer. Donc on comprend qu'à la base même il ne faut pas donner ce genre de nom aux enfants, il ne faut pas les appeler ainsi. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre كتاب التوحيد, car le fait de respecter les noms d'Allah et de changer le nom de certaines de ses créatures en signe de respect envers ses noms fait partie de la concrétisation du tawhid et de la perfection du tawhid. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. أبو شريح rapporte qu'on le surnommait, donc on lui avait donné comme kunya Abul Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est Allah al-Hakam, le juge parfait, et c'est à lui que revient le jugement. Abu Shuraih répondit, lorsque les membres de ma tribu divergeaient sur un sujet ou bien divergent sur un sujet, ils viennent me voir et je les départage. Les deux parties sont satisfaites de mon jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ceci est bon, qu'as-tu comme enfant? Vous avez ici comme fils, le plus juste est de traduire par enfant. لأن الولد في لغة العرب يشمل الذكور والإناث كما في آية الميراث في القرآن. Donc, qu'as-tu comme enfant? J'ai répondu, Shuraih, Muslim et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lequel d'entre eux est l'aîné? J'ai dit, Shuraih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es Allah, Abu Shuraih. Apporté par Abu Daoud et d'autres. Le hadith akhrajahu Abu Daoud, wa Nasa'i. بسند جيد وغيرهما بسند جيد كما قال ابن مفلح والألباني رحمه الله تعالى صحها هذا الحديث رحمه الله عن أبي شريح اسمه هادي ابن زيد الكندي وقيل غير ذلك صحابي نزل الكوفة وتوفي بالمدينة. Abu Shuraih se nomme Hani ibn Zayd. Il est décédé à Médine en l'an 68. Il est resté une partie de sa vie à Kufa, en Irak. Annahu kana yukna الكنية ما سدر بأب أو أم وزاد ابن عثيمين في شرحه أو أخ أو عم أو خال الكنية c'est ce qui est attribué à la personne ou plutôt c'est l'appellation qu'on fait à la personne en citant le nom d'un enfant. On t'appelle par exemple Abu Abdillah. Ça veut dire le père de Abdullah. Ou bien Ummu Abdillah. C'est-à-dire la mère de Abdullah. C'est ce qu'on appelle une kunya. D'accord? C'est ce qu'on appelle elle kunya. Quelle était la kunya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Indaman. Tafadla. Abu al-Qasim. Donc la kunya, c'est le fait d'appeler la personne en lui disant « Oh le père d'un tel, oh la mère d'un tel ». Et j'ai vu dans le Sharh d'Ibn Uthaymeen qu'il a même ajouté « Le frère d'un tel, l'oncle d'un tel » et peut-être d'autres choses encore. Et en général, « Hada yakun lil madh » En général, c'est un caractère élogieux. Et c'est lorsque tu aimes et apprécies la personne que tu l'appelles par sa kunya. Non. Alors que le surnom et les sobriquets, c'est pour rabaisser, mépriser la personne et c'est lorsque tu ne l'aimes pas. Hada fil ghalib. Ça c'est en général. Aussi en général, la kunya est prise avec le fils aîné. Ou bien l'enfant, ou le premier enfant. Naam, le premier enfant. Donc si ton premier fils, tu l'as appelé Abdullah, en général, les gens prennent comme kunya Abu Abdillah. D'accord? Mais, sachez que quelqu'un peut prendre une kunya, ou on peut lui donner une kunya, sans qu'il n'ait d'enfant. Sans qu'il n'ait d'enfant, comme le petit frère de Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, alors qu'il avait perdu son oiseau, ou bien il était mort, il était triste, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réconforté. D'accord? Et il l'a appelé Aba Umayr. Donc il lui a donné une kunya avant, alors que c'était un enfant, avant qu'il ait lui-même des enfants. Ça Ça peut venir aussi l'idham, comme Abu Jahl. Hein? Ça peut être aussi rabaissant, même si en général c'est élogieux, comme yani par exemple Abu Jahl. وَتَكُنِّ الْمُصَاحَبَةِ. Quelqu'un qui a toujours quelque chose ou qui fait toujours quelque chose, on peut lui donner cette kunya. Qu'est-ce qui a un exemple en tête? Hein? Abu Huraira. Abu Huraira. Al-Hir, c'est quoi? C'est le chat. Hein? Donc, si tu as souvent, par exemple, des chats avec toi, on t'appelle Abu Huraira. Hein? Et ça peut être un simple nom, comme Abu Bakr. Comme Abu Bakr. Donc la kunya de Abu Shuraih était Abu al-Hakam. Était Abu al-Hakam. Wal-Hakam ismun min asma'illah. Al-Hakam, c'est un des noms d'Allah. Al-Hakim, le juge. Al-Hakam, ils ont traduit ici par le juge parfait. Al-Hakam ma'anahu al-Hakim alladhi idha hakama la yuraddu qada'u. Al-Hakam, c'est le juge qui, lorsqu'il juge dans une affaire, personne ne peut rejeter ni repousser son jugement. Celui qui juge que par la vérité. D'autres ont expliqué ainsi. Et ce nom est venu dans la Sunna, ainsi que dans le Coran. والحكم أبلغ من الحاكم عند جمع من أهل العلم. Et le sens qui est dans le hakam a une plus grande portée que le sens qui est dans al-hakim. Al-hakim. Il y a plusieurs choses qui ont été citées pour montrer la différence qu'il y a entre al-hakim et Al-Hakam. Et le plus important est de retenir, pour bien comprendre ce chapitre, que Al-Hakam est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Abu Shuraih a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela, il l'a repris en lui disant Inna Allah huwa al-Hakam. C'est certes Allah, lui, qui est le hakam, le juge parfait. Wa ilayhi al-hukm. Et à lui revient le jugement. Fi riwayat an-Nasa'i salahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an sababi hadhihi al-kunya. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a été surnommé ainsi. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé ainsi? Donc, Abu Shuraih, radiallahu anhu, lui a répondu que lorsque les gens de son peuple divergent, ils reviennent à lui. Car c'est une personne qui a une place dans son peuple et qui est connue pour sa justice, et tout le monde est satisfait de lui. Donc, lorsqu'il juge, tout le monde repart satisfait. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, de la sagesse de cette kunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ahsana hada. Comme ceci est bon. Comme ceci est bon. De quoi est-ce que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Ay al-qiyam bil islahi bayna an-nas. Comme ceci est bon revient au fait de réconcilier les gens. Comme ceci est bon, revient à quoi? Au fait de réconcilier les gens. On ne parle pas ici du jugement. Donc, ça revient au fait de faire le bien, de réconcilier entre les gens. Et très loin de nous le fait de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comme ceci est bon, en parlant d'un jugement qui sera un jugement de la jahiliya. Non, comme ceci est bon revient à quoi? Revient au islah, à la réconciliation que l'on fait entre les gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَمَا لَكَ مِنْ وَلَدْ. Il lui a dit qu'as-tu comme enfant? الولد في العرف يكون للذكور. En général, lorsqu'on utilise le mot walad dans les sociétés, dans la société, on entend par cela les garçons. Mais dans la langue arabe, الولد, ça vaut tant pour les garçons que pour les filles. C'est pour cela que lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle de l'héritage, il nous dit qu'il nous fait des recommandations pour les awladikum, pour vos enfants. Puis, il nous dit que l'homme aura deux parts lorsqu'une fille en aura une. Naam, que l'homme aura le double de la part d'une fille. Donc on dit le mot walad ou awlad. Puis on nous cite les garçons et les filles. Donc dans la langue arabe, sachez que ça englobe les deux. Donc ce qui apparaît, c'est que ce sahabi n'a que ces enfants-là et n'avait pas de filles. Ce qui apparaît donc, c'est que ce sahabi avait que ses enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدْ ». S'il avait des filles, on aurait lu cela ici. فَقُلْتُ شُرَيْحَ وَمُسْلِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ. Il a répondu le nom de ses trois garçons, de ses trois enfants. شُرَيْحَ, Muslim et Abdullah. فَقَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Lequel d'entre eux est l'aîné ?» وَمِنْ هَذَا نَسْتَفِيدْ أَنَّ الْوَاوْ لَيَقْتَدِ التَّرْتِيبِ فَلَوْ فَإِلَّا لَمَا سَأَلَهُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam عَنِ الْأَكْبَرُ. Donc il a répondu que l'aîné est Shuraïh. فَقَالَ لَهُ أَوْ فَقَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ. Il lui a alors dit أَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ. Donc il a changé sa kunya de Abu al-Hakam à Abu Shurayh en lui donnant sa kunya selon son enfant aîné, son fils donc Shurayh. مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ. نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي عن أن يكنى بأبي الحكم احتراما لاسم الله الحكم وغير اسمه وغير كنيته تعظيما لأسماء الله تبارك وتعالى. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre? Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre? Car on y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris le compagnon sur sa kunya. Comme s'il, et ce qui apparaît, c'est qu'il lui a interdit cette kunya pour la lui remplacer par une autre. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la kunya de ce sahabi en signe de respect pour les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et lui-même jalla fi'ula. Ma yustafadu min al hadith, parmi ceux qu'on tire du hadith, tahrimu tasammi bi asma'illah al-mukhtassa لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. On voit dans ce hadith l'interdiction de se nommer par un des noms qui ne convient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, dans lequel Allah azza wa jalla aurait l'exclusivité. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Abu Shuraih l'appellation d'Abu al-Hakam en signe de respect pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Car on pourrait penser qu'il y a un manque de respect envers le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hada ad-din ja'a li-ib'ad an-nas 'an ash-shirk wa ma yuqi'u an-nas fi ash-shirk. Car cette religion, en plus d'être venue pour faire sortir les gens du polythéisme, elle est venue en éloignant les gens de toutes les causes qui peuvent mener au shirk. Non. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة اختيار أكبر ماذا الأبناء للكنية. الشيخ رحمه الله تعالى لفوائد de ce hadith, le fait de choisir pour la kunya le nom de Mada, l'enfant qui est l'aîné. Donc si tu as ton premier qui s'appelle Abdullah, par exemple, tu choisis comme kunya Abu Abdillah ou bien Abdurrahman, Abu Abdirrahman. Et très très souvent on entend que la kunya des imams et des savants est Abu Abdillah. Car le meilleur prénom pour un garçon est Abdullah et Abdurrahman, comme ceci est venu, comme cela a été cité dans le hadith qu'on a déjà récité. Al-Hakam ismun min asma'illah ta'ala. On tire de ce hadith que Al-Hakam est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh Salih Fawzan hafidahullah ta'ala dit: jawazu sulh wa tahakum ila man yasluh lil qadha wa in lam yakun qadhiyan wa annahu yaltazim aw yalzam aw yulzam hukmuh. Cheikh Salih Fawzan nous dit la permission, c'est-à-dire de ce hadith, la permission de réconcilier les gens et de revenir auprès d'une personne qui jugera entre les gens, même si elle n'est pas juge, puis de s'en tenir à sa décision. Bien entendu, une personne qui a la capacité, qui a la science et l'intégrité. مشروعية تقديم الكبير. On tire de ce hadith caractère légiféré de faire primer l'aîné. D'accord? De donner la préférence à l'aîné dans certaines choses. Ça n'entre pas dans l'injustice, mais c'est une chose connue et reconnue. Par exemple, dans la parole, dans une assise. Ça ne fait pas partie du bon comportement que les jeunes prennent la parole en premier alors qu'il y a des personnes âgées. Dans une assise, alors qu'un homme a pris la parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Kabbir, kabbir, laisse place aux personnes plus âgées. » Adam min al-adab, lorsqu'il y a des gens plus âgés que toi, tu attends qu'elles prennent la parole ou te cèdent la parole. Aussi, lorsque tu viens pour t'asseoir, tu installes en premier les personnes les plus âgées. Wa hakadha. Dans un plat pour manger, tu laisses le père commencer, par exemple. Et dans beaucoup de choses, c'est une bonne habitude que de accorder ce respect à la personne qui est la plus âgée. Lorsque je dis la personne la plus âgée, ça ne veut pas dire qu'elle est vieille, pas forcément. Elle peut être plus grande que toi. Tu vas lui donner ce respect. Et dans beaucoup de cultures, alhamdulillah, c'est une chose qui est toujours présente. Si ce n'est que de grandir dans certains pays pervertis, certaines bonnes habitudes que les gens ont dans leur mada, leurs origines. Bien sûr, sans dépasser les limites. Sans dépasser les limites religieuses. Mashru'iyatu taghyir al-ism ghayr al-munasib ila ismin munasib. Donc on peut changer le prénom de la personne qui ne convient pas pour un prénom qui convient. Si quelqu'un par exemple s'appelle Ahkam al-Hakimin, le plus juste des juges, ou bien Abdul Nabi, ou bien Abdul Uzza, iyadan billah, ou des noms dans lesquels il y a du shirk, ou ta'bid li ghayrillah, alors on change son nom. On change son nom et c'est interdit de l'appeler ainsi. S'il y a quelque chose d'interdit dans le prénom, on n'a pas le droit d'appeler la personne ainsi. Rappelez-moi de vous dire une faïda avec la kunya de Abu Jahl, de Abu Lahab dans le Coran. ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح. On tire de ce hadith qu'il faut ou bien qu'il convient à ceux qui font des exhortations, qui orientent les gens et conseillent les gens, lorsqu'ils ferment une porte du haram, d'en ouvrir une autre vers une chose permise. Donc lorsque tu conseilles les gens, lorsque tu leur interdis, tu leur dis la musique par exemple c'est haram, hein? Le mensonge c'est haram, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est haram, tu leur dis mais invoque Allah, où que tu sois il t'entend et te répond, tu leur dis mais écoute le Coran. Donc tu fermes une porte de haram et tu les orientes vers une porte qui est où il y a la permission. Tu interdis un jouet par exemple à ton enfant, car par exemple il y a de la musique, tu lui achètes un autre jouet qui est permis et tu lui remplaces. C'est une chose qu'il convient de faire dans la da'wah et de nombreux ahadith nous enseignent cela. مسألة التسمية أو تسمية المخلوق باسم من أسماء الله. Donc une question que les savants traitent dans ce chapitre. Quel est le jugement d'appeler une personne par un nom, sachant que ce nom est un des noms d'Allah? Par exemple, Hakim. Il y a des gens qui ont pour prénom Hakim. Et nous, on sait que parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a Al-Hakim. Ou bien Al-Aziz. Vous avez compris la masala? Donc, quel est le jugement d'appeler son enfant ou d'appeler une personne par un nom, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ce nom? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est haram? Ou fi tafsir? Al-jawab fi tafsir. Ça dépend. La réponse, ça dépend. Min hama yajuz ayusamma bihi al-makhluq wa min hama la yajuz. Donc certains noms, il nous est permis d'appeler la créature avec ou par cela, et d'autres c'est interdit. Pour d'autres, c'est interdit. والضابط في ذلك يرجع الى معنى هذا الاسم. Et ce qui nous montrera la permission ou non, c'est le sens qu'a ce nom. C'est le sens du nom. Donc, mimma yajuzu nazaran li ma'naha, parmi les noms qu'Allah Azza wa Jalla a. Et malgré cela, on a la permission de les donner à nos enfants ou d'appeler les gens par ces noms ou de se faire appeler. Pardon, je vais commencer d'abord par mimma la yajuz. D'accord, ce qui est interdit. Donc ce qui est interdit, ce sont les noms dont le sens est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce sens-là ne convient pas, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'avons pas la permission de donner ce nom à nos enfants, ni d'appeler une personne par ce nom, ni d'appeler une personne par ce nom. Et nous aurons à ce moment-là l'obligation de le changer. L'obligation de le changer. Et celui qui ne peut pas faire de démarche administrative pour le changer, il devra ne pas l'accepter oralement et informer les gens qu'il n'est pas satisfait de ce nom et que désormais il devra être appelé de telle façon ou telle autre. Donc mimma la yajuz nazaran li ma'na Allah, parmi les exemples de noms qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'en aucun cas nous on doit les prendre ou appeler autrui par ses noms, il y a Allah. Quel est le sens de Allah? Zul uluhiyati wal ubudiyati ala al-nas ou ala al-khalqi ajma'in. C'est celui qui mérite de l'ensemble de ses créatures d'être adoré. Vous imaginez une créature qu'on appelle ainsi? Iyadan billah, même Pharaon, akfar khalqillah, la plus mécréante des créatures, mimma a'lam, n'a pas osé s'appeler ainsi. Mais il a plutôt dit, ana rabbukum al-a'la, wa hadha aydan haram. Mais il n'a pas osé s'appeler Allah. Il n'a pas osé s'appeler Allah. Parmi les noms, il y a Ar-Rahman. Il y a Ar-Rahman, celui dont la miséricorde a embrassé toute chose. Parmi ces noms, il y a Al-Khaliq, le créateur. Al-Bari, Al-Razzaq, le grand pourvoyeur. Al-Muhaymin, Al-Awwal, Al-Akhir, le premier. Celui avant lequel il n'y avait personne, Al-Akhir, celui après lequel il n'y aura personne. Rabbul Alamin, le Seigneur des noms. Tous ces noms, celui qui comprend le sens, aura aucun doute sur l'interdiction d'appeler une créature par ce nom. Donc, ça revient au sens. Wa minha ma yajuz, wa yumkin lil makhluq an yatasamma bi. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, certains, on peut les prendre en tant que prénom. Et bien évidemment, lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jalla par ce nom, il a le sens qui convient à sa perfection. Alors que pour la créature, c'est un nom propre. Pour la créature, c'est un nom propre. On peut l'appeler Hakim, sage, alors qu'il n'a aucune sagesse. Le sens ne va pas être forcément sur la personne. On peut l'appeler Ali, wa huwa jahil. Il peut s'appeler Ali, savant, alors que c'est un ignorant. Ou il peut prendre une partie du sens. Ou il peut encore prendre une partie du sens. Mais la perfection de ce nom ne reviendra de droit qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, As-Sami', celui qui entend. Al-Basir, celui qui voit. Al-Aziz, le puissant. Al-Rahim, celui qui a de la miséricorde, de la pitié. Donc ces noms-là sont venus dans le Coran. Ces choses-là sont venues dans le Coran pour des créatures. Allah Azza wa Jalla nous dit au début de Sourate Al-Insan, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Donc on a utilisé Sami' et Basir en parlant de qui l'insan. Donc il n'y a pas de mal à cela. Dans Sourate Yusuf, قالت امرأة العزيز, la femme de العزيز. Donc il se nommait العزيز. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وكان بالمؤمنين رحيما. Il est envers les croyants miséricordieux. طيب. Alors que parmi les noms les plus connus d'Allah Azza wa Jalla, il y a Ar-Rahim. Mais est-ce que le sens d'Ar-Rahim pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le sens et la définition qu'on donnera d'Ar-Rahim pour Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Allah subhanahu wa ta'ala aura la perfection absolue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura ce qui convient à son rang de créature, serviteur d'Allah, mais messager. Et à d'autres moments, ça sera un nom dont on ne fera pas attention au sens, c'est-à-dire dont le sens ne sera pas forcément sur la personne, comme l'exemple que j'ai cité. Il peut s'appeler Aziz, puissant, et être faible. Contrairement au nom d'Allah, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au nom du Coran. Il y a asma'u wa a'lamu wa awsaf. Ce sont des noms et le sens, l'attribut est également effectif. Lorsque tu dis que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est un nom. Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah. Il y a l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. Et il y a al-hukm ou al-athar, yamada yarham. Il fait miséricorde à ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yuhmad li kathrati khisali al-hamid. Le sens de Muhammad est celui qui reçoit de nombreuses éloges de par ses nombreuses qualités. Quelqu'un qui fait beaucoup de bien, donc on fait souvent ses éloges. Donc le sens de ce nom-là est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmad, celui qui fait le plus d'éloges. Al-Mahi, celui par lequel Allah Azza wa Jal efface le kufr. Et encore d'autres noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil pour les noms du Coran, Majid, Karim, Azim. Voilà pour cette question qui revient souvent. Est-ce qu'on a le droit de s'appeler par un des noms d'Allah? Ça dépend. Certains noms, nous n'avons pas le droit de nous appeler avec, et d'autres, nous avons le droit de nous appeler avec. Ça revient quoi? Au sens qu'il y a dans ce. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc changé la kunya de Abu al-Hakam en respect envers l'on d'Allah azza wa jal al-Hakam. Puis les savants ont divergé sur la vraie cause, la vraie ou la vraie sagesse. La vraie cause, na'am. Certains ont dit car al-Hakam c'est un des noms d'Allah. Mais cela est grandement discutable car on vient de citer que dans le Coran, il y a Ar-Rahim pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Al-Aziz, il y a Sami' Basir. Donc certaines créatures ont été appelées par des noms dont nous savons tous qu'ils font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit que cela a été interdit car ici on a centré notre attention sur le sens du nom Al-Hakam. Sur le sens du nom Al-Hakam. Cela aussi, certains savants ont dit que c'était discutable. De plus, en revenant dans les livres où il y a la biographie des compagnons, on trouve beaucoup de compagnons, plus de 20 compagnons, qui avaient comme nom Al-Hakam. Qui avaient comme nom Al-Hakam. Et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, si ce n'est pas pour tous, pour une partie d'entre eux. Certains ont dit Al-Hakam huwa Allah. C'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en disant Abu al-Hakam, le père de Al-Hakam, un mauvais sens pourrait venir à l'esprit de certains. Al-Hakam est le nom d'Allah. Donc si on dit le père de Al-Hakam, ce mauvais sens pourrait venir en tête. C'est comme si on avait dit Abu Allah. Donc c'est un mauvais sens. Alors on a changé cette kunya pour que cette éventualité, cette pensée éventuelle soit rejetée complètement. Certains savants ont expliqué ainsi. Même si mes souvenirs sont bons, Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala a cité cet avis. D'autres savants ont dit que cela également était discutable car on a trouvé aussi chez Sahaba, comme a cité le Hafid, rahimahullah ta'ala, cette kunya. Au final, certains savants ont dit, on peut expliquer cela en disant que c'est un amr irshadi. Donc c'est un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné pour l'orienter vers ce qu'il y avait de meilleur. Et ça entre donc dans la perfection du tawhid. ومن باب الإرشاد إلى ما هو أحسن وأكمل. النبي صلى الله عليه وسلم l'a orienté ici vers ce qu'il y avait de meilleur et de plus juste. Donc cette kunya est makruha, elle est détestable. وليست محرمة, elle n'est pas interdite. Ainsi on unit entre les différentes preuves. En disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la kunya de Abu al-Hakam pour Abu Shuraih, ainsi on n'aura pas de problème avec les autres textes qui nous montrent que, ou bien avec Na'am, les informations qui nous montrent que certains sahabes avaient pour nom al-Hakam, d'autres avaient comme kunya Abu al-Hakam. Abu al-Hakam. Donc le mieux est de délaisser cette kunya, cette appellation. والله أعلم الذي يهمنا ce qui nous ماذا ce qu'on veut retenir du chapitre c'est qu'on a changé le nom de Abu al-Hakam de la kunya Abu al-Hakam vers Abu Shuraih en signe de respect envers les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et cela fait partie de la perfection du tawhid. Cela fait partie de la perfection du tawhid. On doit toujours faire attention lorsqu'on parle et dans les prénoms, à ne pas citer de choses qui viendraient à l'encontre de ce grand principe, ta'zimullah wa asma'ihi wa sifatihi, le fait d'avoir le plus profond respect envers les noms d'Allah, envers Allah tabaraka wa ta'ala, envers ses noms et ses attributs. Voici l'habitude du croyant pieux, du croyant na'am. الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى donc le chapitre suivant l'auteur nous dit باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم. De celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle Allah, le Coran ou le messagers sont mentionnés. Le fait de celui qui tourne en dérision une chose comprenant le rappel d'Allah, du Qur'an ou du messager. Nous sommes arrivés au chapitre 47. Abu Lahab, naam. Taïb, barakallahu fik. Prêt à me rappeler ce que vous deviez me rappeler. Naam. Abu Lahab, c'est une kunya. T'es l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cité qu'en général, la kunya, comme l'ont dit les savants et les linguistes, la kunya en général est donnée pour honorer la personne, parce qu'on aime la personne. Et Abu Lahab était un des ennemis les plus nocifs et acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, dans le Coran ou le Karim, au moment où on le rabaisse, comme jamais il n'a été rabaissé, on l'appelle par sa kunya. Pourquoi cela? Man yujib. Toi qui lèves souvent la main en classe. T'as une réponse? Pas de réponse? T'es plus dans les cours d'arabe. C'est plus dans les cours d'arabe que tu réponds? Nabas. Naam. Comment? Afan, j'entends pas. Là. Frère a dit car l'ahab rappelle le feu. J'ai entendu une voix sans main levée. Là, j'entends plus rien sans main levée. Manujib, qu'est-ce qu'il répond? Vous voulez que je répète ma question? Dans le Coran, on a dit, ou j'ai dit, comme l'ont dit les ulama, j'ai entendu, par exemple, de Cheikh Salah Fawzan et d'autres, Hafizahumullah, que la kunya est donnée, takriman, c'est pour honorer la personne. C'est lorsque tu respectes la personne, lorsque tu aimes la personne. Tu peux trouver chez les Arabes, par exemple, l'un qui dit à l'autre, quelle est ta kunya car je t'aime bien. Et une personne étrangère ne comprendra même pas le rapport. Pourquoi est-ce qu'il lui demande sa kunya? Parce qu'il veut l'appeler par sa kunya, parce qu'il l'aime bien. Et là, on trouve dans le Coran la kunya de Abu Lahab, un des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de l'islam et d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc comment se fait-il qu'il y a la kunya de Abu Lahab dans le Coran? Wadah? Est-ce que la question est claire? Qu'est-ce qu'il voulait répondre ici? Et qui est nouveau, donc il n'a pas levé la main. T'es un ancien, toi. Tu lèves la main. Il y a quelqu'un ici qui a parlé sans lever la main. Et il peut être que nouveau. Toi, t'as levé la main, mais t'as parlé en même temps. C'est pour ça que je t'ai pas donné la parole. Quand tu lèves la main, en fait, c'est un signe pour me dire que tu veux répondre. Mais toi, tu réponds en même temps que tu lèves la main. T'as fait de balak. Je veux dire pour le rabaisser. Justement, là est notre problématique. Dans ce verset, on le rabaisse. Mais il a été cité par sa kunya. Or, la kunya, à la base, est citée pour honorer la personne. Là est notre problématique. Donc, tu ne nous as pas aidé. Je te laisse une deuxième réponse. Tu n'en as pas? Demande à Allah Azza wa Jalla qui t'aide. Lahba. Naam. Élève plus ta voix, mon frère. À cette époque, il était plus respecté. Mais le kufr, mon cher frère, humilie les gens, rabaisse les gens. Et ils ne sont aucunement honorés. De par la mécréance qui habite leur cœur et qui sort de leur langue, et de par leurs actions. Charrul bariya. La yukramoun abadan. Naam. Car c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kalla. La. Même si un homme est le père d'un prophète, le kufr qu'il porte l'humilie, et cette lignée ne lui sera rien profitable. N'as-tu pas su que le père d'Ibrahim alayhi salam sera transformé en hyène yawm al-qiyama et jeté en enfer? Et que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est finna? Qu'est-ce qui répondra avec une bonne réponse? Un de nos enseignants, je me citais que Cheikh Mourbi rahmahullah ta'ala disait: j'ai une question, j'ai une question qui sera l'homme de la situation. Alors plein de gens levaient la main. Puis il disait: j'ai une question, qu'est-ce qui répondra à ma question sans se tromper? Puis plein de gens baissaient leur main. Donc qui répondra à cette question et ne se trompera pas? Anta? Je vois le doute sur ton visage. Donc, je vais vous donner un indice. Cherchez le prénom de Abu Lahab. Méditez cela, ça vous aidera à trouver la réponse. Donc à la fin du Amada ou Isha, on reprend ce sujet-là. D'accord? Vous nous avez pris 10 minutes faciles, sans donner la réponse. Subhanallah. Allah s'il. Donc, le chapitre 47. Avant cela, Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, nous dit une faïda. Ici, Abu Shuraih, lorsqu'il a donné le nom de ses enfants, on comprend qu'il a eu trois garçons. Et qu'il avait trois garçons. Naam, Shuraih, Muslim et Abdullah. Puis, il nous cite la division des gens par rapport aux enfants. La division des gens par rapport aux enfants. Certains n'ont pas d'enfants. Sah? وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Allah Azza wa Jalla en surat Shura, si mes souvenirs sont bons, nous dit: et il rend qui il veut stérile. Donc subhanallah, si la femme n'a pas d'enfant, c'est pas de sa faute. Pourquoi s'en prendre à elle comme certains ignorants le font? Elle peut être la meilleure des femmes fi dunya et ne pas enfanter. Aisha radiallahu anha, malgré cela, c'est l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie de personnes, ceux qui n'ont que des garçons. La troisième catégorie de personnes, ceux qui n'ont que des filles. La quatrième catégorie de personnes, ceux qui ont des garçons et des filles. Et ils ont dit, il a dit, rahimahullah, et tout cela a été vu chez les prophètes. Alayhim as-salatu wassalam. Donc parmi ceux qui n'ont pas eu d'enfants, il y a qui? Qui n'a pas eu d'enfants? Qui répond à cette question? C'est facile. Pourquoi tu te caches? Isa alayhi salam. Parmi ceux qui n'ont eu que des filles, qu'est-ce qui a assisté au cours sur l'histoire de quelques prophètes? Tadallah. Comment? Lot alayhi salam. Naam. Parmi ceux qui n'ont eu ensuite, ceux qui ont eu des garçons et des filles. Là, c'est facile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reste quoi? Ceux qui ont eu que des garçons. Là, c'est facile aussi. Tadallah. Ya'qub alayhi salam. Naam, mimma na'lam, de ce que je sais. T'as déjà répondu toi. Tafadhal. Ibrahim alayhi salam, c'est l'exemple que j'attendais.